Bon alors attention, parce qu'il faut surtout pas que Guillaume s'enflamme. Ah bah oui, mais tu le connais. Ah oui, est-ce qu'il connaît l'invité, Guillaume? Oh là là, non. Alors, je pense qu'il va falloir l'inviter. Salut les amis. Salut Guillaume. Dis donc, ça bosse aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? Moi je suis dans une forme. Je sais pas qui c'est l'invité, mais il a intérêt à être d'accord avec moi. Guillaume, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'écoute de l'autre? Non. Si, si. Bah parfait, vous allez m'écouter alors. Non, sauf que ça marche dans les deux sens, Guillaume. Ah ouais, il faut que j'écoute aussi, c'est ça le truc. Ça va te changer. Ah ouais, mais qu'est-ce que vous avez à prendre des pincettes comme ça? C'est quoi le problème? Bon bah super, on y va. C'est qui l'invité? Une sportive. Oui. Ah génial, les sportifs c'est pas trop engagé, pas trop Oui, bah alors là non parce que justement. Ah bon, alors, c'est qui alors? Ah, Jeannine Longo, c'est pour parler dopage. Non, Marie Pierce pour parler de religion. Dieu. Non plus. Mais dis-lui. C'est Maud Fontenoy. Voilà, Maud Fontenoy, mais elle a pas été sportive. Elle a juste traversé le sein à l'arabe. C'est vrai. Oui, bah elle a surtout supporté Copé pendant une campagne, ça me souvient. Et j'espère qu'elle lui a donné des conseils parce que maintenant c'est lui qui rame. Merci. Donc Guillaume, on sait que t'es pas toujours d'accord avec ses idées. Oui, d'accord, j'ai compris. Je dois l'écouter. Voilà. Parce que c'est la journée mondiale de l'écoute de l'eau. C'est ça. Voilà, pas de chance qu'elle vienne pas demain. Oui. C'est qui d'ailleurs demain là? C'est Jean-François Copé, je crois. Non, c'est pas vrai, génial. Alors, attention, parce qu'en plus, c'est la journée mondiale du pardon, Guillaume. Oh attention. Là, quelle semaine de merde. Bonjour la France Inter, bonjour à tous. Vous écoutez l'émission qui traverse l'actualité à la rame. Et voici les trois informations qu'on va couler, nous, jusqu'à 18h. Les enseignants sont dans la rue. C'est bien la preuve que nous avons un gouvernement de droite, non? Quoi qu'il en soit, tout le monde est d'accord pour dire qu'une réforme était urgente. Tout le monde n'est pas censé savoir qui était Henri IV, si c'est lui qui a été guillotiné ou si c'est Louis XIV. Bon, ça, moi, je le savais. Parce que bon, je l'ai appris à l'école et j'aimais bien l'histoire de France. Un sommet entreprise et climat se tient cette semaine à Paris pour préparer un volet important de la conférence climat qui se tiendra à la fin de l'année. Tiens d'ailleurs, comment ça s'annonce au fait ce sommet de l'ONU là? Ça me paraît très jouable, très. Je dirais même fingers in the nose. Oh bah ça va aller. Allez, c'est devenu un tel fléau qu'on leur a donné un nom générique, les émissions survivalistes. Si ça vous donne envie d'aller vivre sur une île déserte, eh bien c'est trop tard parce qu'il y a déjà des caméras. C'est le nouveau concept de M6. C'est maintenant l'heure de l'épreuve des poteaux. Mais attention, nouvelle règle, j'y ai rajouté des petits clous, tout rouillé, avec le tétanos. Et pour relier ces trois informations à la rame, j'emporte toujours avec moi mon sextant, Alex Vizorek. Oui, à voile uniquement, bonjour Charline. Et aujourd'hui... Ne rougissez pas. Bon, vous, c'est un peu d'émotion. À 17h20, autour de la table, celle qui est capable de nous expliquer les pans de la science qu'on ne comprend pas. Et normalement, à la fin de son explication, on ne les comprend toujours pas, mais ça nous ennuie beaucoup moins qu'avant. C'est Nicole Ferroni. Oui, bonjour Monsieur Vizorek. Alors, on met la lumière sur quoi? Sur la bile et le double menton. Voilà, et bien on se posait toute la question en plus. À 17h30, le nouveau phénomène des tapis rouge. Il est revenu de Cannes avec plus d'interviews de voituriers et de vendeurs de pop-corn que de stars de cinéma. C'est Guillaume Meurice. Alors, c'est pas vrai parce que justement, deuxième épisode de mon épopée au Festival de Cannes avec aujourd'hui la traque des stars et j'en ai rencontré. Bonjour France Inter. Voilà, je vous laisse le suspense. Oh là là. En notoriété, on est entre Nabila et Clara Dupont-Mono. Ouf, c'est pas mal. Eh bien d'ailleurs, à 17h40, tous les jours, c'est l'apparition. À 17h40, tous les jours, je crois voir la Vierge. Et vraisemblablement, c'est pas avec moi qu'elle veut franchir le cap. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour cher petit oursin. Oui, de quoi va-t-on parler? Alors que les profs se rebellent, je vous parlerai d'un livre sur la désobéissance, justement. Si tu écoutes J'annule tout, est actif sur les réseaux asociaux, Twitter, hashtag annule tout et Facebook parce qu'on aime liker. Chaque jour dans cette émission, nous sommes accompagnés d'un référent de la République. Vous êtes née sous Giscard, vous êtes la première femme à traverser l'Atlantique Nord à la rame en 2003 et vous avez eu le nez creux puisque 2003 c'était l'année de la canicule. Vous traversez ensuite le Pacifique à la rame en 2005 quand Nicolas Sarkozy propose de nettoyer la Courneuve au Kärcher. Vous démarrez un tour du monde à contre-courant en 2006, quand Dominique de Villepin rame aussi à contre-courant des étudiants avec le CPE. Et donc, vous êtes, je vous laisse nous le dire, de votre douce voix. Bonjour, Maud Fontenoy. Bienvenue, Maud Fontenoy. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, si tu écoutes, j'annule tout. Maud Fontenoy, vous publiez Les raisons d'y croire, stop au principe de précaution, oui à l'innovation. C'est paru chez Plon. Il y a aussi, tiens, des livres pour enfants dont on parlera tout à l'heure, de sensibilisation à l'écologie et à l'environnement. Et Guillaume Meurice est notre spécialiste, vous avez compris dans la conférence de rédaction, spécialiste environnement aujourd'hui. En tout cas, il a lu de A à Z, décale jusqu'au sommet du mât, votre ouvrage, Les raisons d'y croire, Maud Fontenoy. Et Guillaume Meurice a des questions pour vous. Ben, moi, oui, effectivement, j'ai tout lu. J'ai même lu les livres pour enfants, La découverte de la planète bleue. Alors, c'est assez confus parce que vous semblez défendre l'environnement, les océans. Bon, jusque-là, tout va bien. Et en même temps, vous défendez les pesticides, les OGM, le nucléaire, le gaz de schiste. Alors, première question, est-ce que vous êtes schizophrène? Vous ne vous attendiez pas du tout à cette question, j'imagine. Mais non, surtout pas de quelqu'un qui a lu le livre, parce que visiblement, il l'a pas lu. Ah, on peut même commencer par le début, même la première phrase. Vous défendez les gaz de schiste. Dernièrement, je me suis engagé pour que l'on exhume le débat lié à la recherche sur les gaz de schiste. Vous voyez, en le lisant, vous voyez bien la nuance. Alors expliquez-nous cette recherche. Nuance. Allez-y, Maud. Dans ce livre, Les raisons d'y croire, j'ai voulu porter un discours un peu différent sur l'écologie et d'essayer de réconcilier les Français avec ce sujet très important. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie urgence. Ça fait 15 ans que je travaille sur cette thématique. Il faut absolument diminuer nos émissions de gaz à effet de serre, lutter contre le réchauffement climatique, former nos enfants à la préservation de la planète. Pour ça, il y a différentes techniques. Bon, il y a celui qui reste dans son canapé, qui regarde et qui critique. Ça, je fais ça, moi. C'est vrai. Bon, il y a le mec qui va au front en disant... Tout va mal, on va tous se cracher contre le mur, il faut revenir à la décroissance. Le discours culpabilisant. Assez culpabilisant, souvent idéologique, parfois même un peu sectaire. Et puis, c'est vrai que moi, j'essaye, modestement, dans mon combat, au quotidien, d'essayer de porter quelque chose qui amène à de l'enthousiasme. Sur beaucoup de sujets que j'aborde dans ce livre, qui sont des sujets écologiquement incorrects, qui sont des sujets compliqués, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé avec le comité scientifique, c'est des sujets qui s'appellent le diesel, qui s'appellent le gaz de schiste, qui s'appellent le nucléaire, qui s'appellent les OGM. C'est des sujets compliqués. Sur chacun de ces sujets-là, j'ai voulu démontrer que ce n'était pas ou tout blanc ou tout noir, que ce n'était pas ou tout pour ou tout contre, qu'il y avait de la nuance possible, un discours modéré qui peut être porté, et essayer de démontrer qu'en expliquant les choses, on parvient à se faire une vraie idée. Et que ce n'est pas ni en instrumentalisant l'écologie pour en faire un enjeu politique qui est réservé à un parti, ni en instrumentalisant la peur, parce que c'est souvent plus simple d'aller sur quelque chose qui va faire peur, parce que ça fait plus d'audimat. Ce que vous appelez le principe de précaution aussi. Disons que souvent, on va dans la caricature, on va dans de l'idéologie. Au final, en tant qu'auditeur, on ne s'y retrouve pas, on ne comprend pas. Quand on prend des exemples concrets, prenons par exemple le diesel. On nous a dit, des écologistes nous ont dit, ceux à qui que l'on écoute attentivement et on croit dans leurs mots, on nous a dit en 2007, il faut absolument que vous achetiez une voiture diesel parce que c'est vrai, elle va émettre 25% de moins de CO2 et elle va consommer 20% de moins de carburant. Donc c'est formidable. Et puis aujourd'hui, on nous dit l'inverse. Vous comme moi, on écoute les mêmes gens et qui vous disent, vous êtes des méchants pollueurs si vous utilisez cette voiture à diesel. Comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Je crois pas que des écologistes aient déjà dit acheter une voiture diesel. Eh bien si, absolument. C'était une des mesures du Grenelle de l'environnement. C'est bien ça le débat. Ah oui, il y a une différence entre le Grenelle de l'environnement et les écologistes aussi quand même. Non, mais le Grenelle de l'environnement, ça a permis de rassembler les écologistes, les associations, les ONG, autant les industriels, et tout le monde était d'accord, en effet, pour dire que c'était moins polluant. La question surtout pose... les industriels en l'occurrence. Sincèrement, non. Sincèrement, les écologistes pourront vous le dire, parce qu'aujourd'hui, une voiture diesel avec un filtre à particules, nouvelle génération, pollue moins qu'une voiture à essence. Le problème, c'est que du coup, ça a créé l'amalgame, parce qu'aujourd'hui, on ne s'y retrouve pas. On vous parle de pic de pollution. On se dit, mais d'où est-ce que ça vient? Alors, on parle de tant de grammes de particules fines dans le mètre cube d'air, 80 grammes environ, quand il y a un pic de pollution. Bon, on se dit, on panique, on n'a pas envie de sortir, vous comme moi, on n'a pas envie de faire respirer nos enfants avec un air pollué. On le ressent surtout. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que moi je peux faire? Alors, on vous sort des gros chiffres, on vous dit, il y a 42 000 morts de la pollution de l'air, vous ne vous rendez pas compte, on vit dans des villes qui sont de plus en plus polluées, on va tous mourir. Bon, alors déjà, si on prend les choses dans l'ordre... Ce qui n'est pas faux, en fait. Pas non, qu'on va tous mourir, ça, on en est certain. Ouais, mais que la pollution tue des gens, c'est pas faux. Et alors, semblez... Non, mais justement, ce qui est très important sur ces sujets-là, c'est qu'on prenne deux secondes pour expliquer un thème. Donc là, on prend le diesel. Ouais, 42 000 morts qui seraient morts par la pollution par an. Alors ce chiffre-là, pour ceux qui veulent s'y puiser, parce que c'est très rapide de sortir des chiffres à tout va et de même pas lire les études. Alors moi, les études, je les ai lues de l'OMS. Cette étude des 42 000 morts, c'est une étude qui a été réalisée dans les années 70, dans un milieu confiné avec des mineurs, avec des groupes électrogènes d'ancienne génération. L'OMS elle-même dit que c'est une étude qui est inapplicable à l'heure actuelle avec les moteurs actuels et dans les conditions actuelles. Aujourd'hui, les études récentes publiées par l'Europe, c'est environ 1500 morts par an dues aux pollutions, dues aux particules fines. Alors 1500, 42 000, c'est pas tout à fait pareil. Oui, mais c'est quand même beaucoup. Non, mais absolument. C'est déjà en fait, on comprend pas. C'est un peu le problème de votre livre, c'est qu'on comprend pas qu'est-ce qu'il y a derrière ce discours. J'ai bien compris que c'était très factuel. Mais si, il y a une façon de lutter contre les idées reçues, quand même. Exactement. Oui, mais est-ce que le discours, c'est de dire bon bah finalement le diesel, non, c'est pas si grave. Bah oui, mais c'est ça, on comprend pas. Enfin, c'est assez ambigu. Vous êtes un peu le Michel Sardou de l'écologie. Eh bien, levons l'ambiguïté. Non, mais ce qui est vraiment très important, c'est justement de réexpliquer les choses. C'est pas de dire bon, il y a pas de problème, on rentre chez soi. Franchement, c'est super cool. On va aller vers. Mais c'est pas vrai. Mais à la fois, c'est pas de dire non plus. 42 000 morts, on va tous dans le mur. L'espérance de vie, elle croît dans nos pays riches de 5 heures par mois. De 5 heures par mois, c'est colossal. Oui, mais si aujourd'hui, on vit malade, ça ne vaut pas le coup de vivre. Quoi, non, mais on ne vit pas malade. Aujourd'hui, l'espérance de vie, elle ne cesse d'augmenter. On a la chance d'avoir une santé qui ne cesse d'être améliorée. Donc, il faut juste rappeler les vrais chiffres. Les vrais chiffres, c'est que 1500 morts, c'est beaucoup trop. Il y a 4 000 morts par an sur les routes en France. Est-ce qu'on interdit la voiture? Mais juste pour terminer sur le diesel, parce que c'est très important. Ce diesel aujourd'hui, et c'est particulier, fines, eh bien, elles viennent qu'à 15% déjà du transport. Quand on prend donc le transport, que 15%, puisque tout le reste, ça vient d'autre chose, ces particules fines, la majeure partie de ces particules fines, elles viennent des plaques de frein, elles viennent de l'usure du bitume, elles viennent de l'usure des pneus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous avez un pic de pollution, vous comme moi, on l'a vécu à Paris, 80 microgrammes par mètre cube d'air. On va tous prendre le métro, hein, on le fait tous quand même régulièrement, même quand il n'y a pas un pic de pollution. Vous savez combien il y a de microgrammes de particules fines? Il y a 200 microgrammes de particules fines en quotidien sur un rame de métro et 500 sur une rail de RER. Voilà, donc là on en arrive à qu'est-ce qu'il y a derrière votre discours. Donc vous préférez en fait la voiture au transport en commun. C'est là où ça devient absurde. On en arrive à dire aux Français, et notamment nous Français, arrêtez de dire au monde, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 6 secondes dans le monde. Je trouve ça en effet intolérable qu'on aille leur dire ce qu'il faut faire en croissance et en décroissance. Et je trouve ça pas très sympa de dire aux Français aujourd'hui qu'ils sont des sales pollueurs, alors que la vérité c'est que les chiffres sont pas ceux-là. C'est pas pour ça que tout Français a pas envie d'avoir une voiture électrique. Moi j'ai une voiture électrique, j'ai la chance de pouvoir me payer une voiture électrique. Tout le monde a envie d'avoir un air sain, tout le monde a envie d'avoir des enfants qui mangent de la nourriture bio. Tous on a envie de ça, mais on n'a pas toujours les moyens de le faire. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut tous agir, mais qu'il faut arrêter de culpabiliser et d'aller sur des idées reçus qui font peur, parce qu'au final, ça ne fait pas avancer la cause et ça fait peur et ça donne pas envie. Vous poursuivez le même but, Maud Fontenoy, que Guillaume Meurice, mais pas avec les mêmes moyens. Voilà, on va avoir l'occasion d'en reparler avec vous, Maud Fontenoy. Les raisons d'y croire, c'est paru chez Plon. On va reparler environnement, entreprise. Et d'abord, téléphone, argent trop cher. France Inter, argent trop cher, téléphone et téléphone, ils vont s'échanger leurs numéros, Maud Fontenoy et Guillaume Meurice. Le débat est chaud, même pendant le disque, mais vous aurez l'occasion d'en profiter, chers auditeurs, parce qu'on va reparler environnement, évidemment. Maud Fontenoy est avec nous jusqu'à 18h et autour de cette table. Maud Fontenoy, qu'on se demande avec votre amour du débat, comment vous avez pu passer autant de temps tout seul dans l'océan. Autour de cette table, mais j'étais dans la soute, en fait. On a Clara Dupont-Moineau et on a Nicole Ferron. Allez, il est 17h23 à Fontenoy-la-Joute, c'est en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes sur France Inter et c'est l'heure de la revue de presse. Nous constatons que le fossé s'élargit entre les riches et les pauvres. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. L'info au kilo. Et Alex, comme vous savez que je raffole des jeux, hein, oui. J'adore ça, je cache ma joie, on commence par un jeu. Donc. Un petit jeu, on va jouer à Qui chante. Alors c'est une vidéo postée lundi sur Facebook et relayée par le Scan du Figaro. C'est un animateur de soirée qui passait en octobre devant le club L'Aventure, un club chic du 16e. Et en terrasse, il sympathise avec une dame et il parvient à la faire chanter une chanson. On écoute, à vous de trouver qui chante. Nicolas, on s'était de l'amour, mais... Nous savions pas. Cécilia Sarkozy. Non. Maud Fontenoy, elle l'a sur le bout de la langue, mais. On dirait Marine Le Pen. C'est Marine Le Pen, Clara Dupont-Moineau, Marine Le Pen a chanté Nicolas en terrasse. Et je pense qu'elle avait un petit verre dans le nez. On félicite Thierry Cayatte, qui, vu le succès de cette vidéo, compte en faire une chaîne sur YouTube. Et prochain objectif, il a dit, faire chanter à Patrick Balkany du Johnny Hallyday, le pénitencier. Très bien. La véritable actualité, oui, hein, à présent, pardon, merci. Léna est à nouveau soupçonnée d'élitisme. Oui, dans son formulaire d'inscription, l'école a prévu une case pour préciser la particule du patronyme. Voilà, les ravages de la pollution aux particules, une nouvelle fois. Il y a combien de cases pour la particule? Bah, 2. Voilà, et en plus c'est du racisme anti-belge, parce que van, ça fait 3 lettres et ça rentre pas. C'est pas faux, le salon de l'aviation d'affaires s'ouvre aujourd'hui à Genève, et d'après Les Échos, les livraisons de jets privés sont en recul au premier trimestre. Et ça c'est terrible. Oui, oui. Et puis ça, c'est depuis que les Qataris partent faire leurs courses en rafale. Hein. Ça tue le marché, évidemment. Passons à l'un de nos chouchous. Oui, malgré tout notre soutien, il y a quelques mois, Jean-Luc Lahaye a été condamné à 1 an avec sourcils. Oui, je sais pas qui mettait dans le nous. Bah, c'est bon. toute l'équipe. On s'était mobilisé pour corruption de mineurs, le pauvre. Et ce matin, il était sur RTL, il était fâché. Il est venu s'expliquer parce que, en fait... C'est elle qui m'a demandé en ami sur Facebook, c'est elle qui insistait pour devenir mon ami. Et oui, c'est elle qui l'a demandé en ami sur Facebook, et Jean-Luc, sympa, il a accepté. Et puis, Fauché lui a posé une question à laquelle Jean-Luc nous a fait la réponse parfaite. Vous aviez déjà eu une affaire dans le passé. Est-ce que vous vous dites, à un moment donné, mon attirance pour des jeunes filles, que vous pensiez majeures, peut-être qu'à un moment donné, il faut que... Que je me tape Julie Pietri ? Non, merci. Que je me tape Julie Pietri ? C'est la classe internationale. Non, merci. Ouais. Voilà. On salue Julie Pietri. Voilà. Et si jamais pendant la tournée Star 80, il y a un projo qui tombe sur scène, on sait de qui ça viendra. Hein. Voilà, mais rassurez-vous, Charline. Ouais. Non, je ne pense pas. Déjà, j'ai désactivé mon compte Facebook... Tout va bien, il a désactivé son compte Facebook. Super, bonne nouvelle. Et on termine par Radio France. Oui, les pages saumon du Figaro, titre « Grand déstockage chez Radio France ». Et effectivement, le 7 juin prochain, une grande vente aux enchères, intitulée « 50 ans de matériel radio ». On va vendre des choses pour un peu se faire des sous, des oscilloscopes, des nagras, des consoles, mais aussi quelques lots particuliers. On vend sur France Inter ce qui ne sert plus à rien. Il y aura la déontologie journalistique de Guillaume Meurice. On espère lui trouver un acquéreur. On revendra aussi la carte de presse 2014 de Pascal Clark, a priori la dernière. Et on revendra aussi l'abonnement à Libé de Nicolas Demorand. Il ne l'ouvre plus jamais. On va aussi essayer de faire partir des choses dont on n'arrive pas à se débarrasser. Bon prix sur l'accent belge de Charline Vanhoenacker, la tout grasse de Clara Dupont-Moineau. Et bien sûr, toutes mes chemises. Venez nombreux. Allez, il est 17h26 sur France Inter, à Paris et à Meaux, là où les habitants s'appellent les... Les Meldois et les Meldoises. Ah, voilà. Oulala, et la suite, Guillaume Meurice, la question, c'est... Je rappelle que le père de Jean-François Copé est proctologue. Il y a un moment donné, il y a de la cohérence dans ce monde. Voilà. Maud Fontenoy, restez avec nous surtout, parce qu'on peut continuer à discuter avec vous et à débattre sur ces sujets qui nous concernent. Les raisons d'y croire, c'est paru chez Plon, on va y revenir, mais d'abord on va faire un détour par ce sujet quand même qui nous colle au basque depuis des semaines. Le débat sur la réforme du collège a démarré il y a une plombe, mais aujourd'hui, les enseignants sont dans la rue. Subsistent des problèmes qui sont problématiques, qui demeurent et qui restent inadmissibles. Tant que les pouvoirs publics n'auront pas accepté ce que les dirigeants du SGEN, de la FUV, du SPLIT et du SGEC réunis ont proposé, on reste dans l'impasse. C'est quoi ces propositions? Alors, bon, les propositions sont claires. Primo, revalorisation des pouvoirs d'achat. Deuxio, augmentation des salaires. Et tierso, trimo, plus d'argent à la fin du mois. Qu'est-ce que vous enseignez, vous? Le français, c'est ça. Petite réforme s'impose. Vous aurez reconnu les inconnus, bien sûr. Alors, Maud Fontenoy, on s'est dit, on voudrait avoir votre avis là-dessus, parce qu'en fait, il n'y a plus que Casimir qui n'a pas encore donné son avis sur le sujet, et Leonarda, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas de nouvelles, donc on s'est dit, on va vous demander aussi. Alors, c'est un peu le gros bizutage de Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, qui a déjà eu droit à pas mal de bizutages depuis quelques temps avec la BCD de l'égalité, les rythmes scolaires, etc. Je rappelle qu'elle hérite quand même de toutes les réformes de ses prédécesseurs, parce qu'il y a eu un léger défilé au gouvernement. Elle a votre âge, Najat Vallaud Belkacem, un bel âge, n'est-ce pas? et la presse dit qu'elle traverse une tempête. Alors je me suis dit, tiens, vous voyez ça de quel œil? Quand même, ministre de l'Éducation à 37 ans, et avec autant de gros dossiers, et elle semble résister pour l'instant. Est-ce que vous regardez ça de près ou de loin? J'imagine que l'Éducation nationale, quand on est maman, et même au-delà de ça, c'est... Non, mais c'est un sujet important, parce que voilà, ma fondation, elle travaille à l'éducation, à l'environnement, donc l'éducation, c'est formidable. Et elle entre dans les écoles aussi, d'ailleurs. Oui, évidemment, oui, on a un partenariat avec l'Éducation nationale. Non, mais ce que je trouve désolant, c'est que je trouve que c'est une vraie cacophonie. On n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, tu as des élus de gauche qui sont pour, des élus de gauche qui sont contre. Tu as des grands philosophes pour, les contre. Les et les pseudo-intellectuels. les profs pro-gouvernement qui sont dans la rue, qui sont contre. Au final, j'aimerais un peu plus de pédagogie ou qu'on nous explique un peu plus de quoi il retourne. Je trouve qu'il y a un vrai bazar complet sur cette réforme que j'ai le sentiment que pas beaucoup de gens ont lu, ouais, ont lu dans le détail. Mmh. Et donc, le seul conseil que j'aurais à donner, si je devais en donner à Najat Vallaud-Belkacem, ça serait de repartir au fond pour réexpliquer ce qu'elle veut réellement faire, parce qu'on a le sentiment que là, on s'est un petit peu noyé. Hein. En effet, et noyé, c'est... si vous aussi, vous êtes noyé, alors nous, on est foutus. Ah, attendez, je dois quand même dire que je suis d'accord avec Maud Fontenoy. C'est beau. On arrête le sujet ici. Ça va rester là-dessus. C'est la journée. Vous pouvez déverrouiller la porte, s'il vous plaît. C'est la journée de l'écoute, et c'est beau. Et l'écoute, maintenant, de Nicole Ferroni. Oui, alors moi, c'est vrai qu'au départ, je voulais parler aujourd'hui là, de cet article paru cette semaine dans Science et Avenir concernant la grande innovation technologique, à savoir la création d'un métal qui flotte, parce que je trouvais que pour une navigatrice, ça pouvait être intéressant de découvrir un petit peu les perspectives que pouvait offrir cet alliage de magnésium et de carbure de silicium en termes de flottabilité pour vous, Maud Fontenoy. Et puis après, je me suis dit, oui, est-ce que c'est poli finalement de parler à Maud Fontenoy d'un métal qui flotte, puisque justement, à contrario, la fonte noie, c'est-à-dire que la fonte qui est un alliage de tout carbone et surtout de fer est plus lourde que l'eau, elle se noie, donc elle coule, donc ça n'était pas cool de parler de ça aujourd'hui. Et c'est surtout ça, vous n'avez que cette jamais faite celle-là. Voilà. Non, jamais. Alors, du coup, j'ai préféré rebondir sur l'actualité comme un ballon du PSG, notamment parce qu'en voyant la victoire récente du PSG au championnat de France, j'ai eu envie de parler non pas de Lavezzi, ce joueur qui joue ailier gauche au Paris Saint-Germain, mais de Lavezzi, cul biliaire, ce petit organe qui est... C'est un festival aujourd'hui. Vous l'aurez pendu, Jean-Pierre, on est pour ça. Ce petit organe qui est situé sous le foie et qui stocke la bile fabriquée par celui-ci, parce que souvent il y a cette confusion à cause des conflits religieux. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, je me fais de la bile pour ma foi », alors que non, je me fais de la bile par mon foie. C'est-à-dire que la bile est fabriquée par le foie et c'est la vésicule qui ne fait que la stocker. Et donc, concernant cette vésicule biliaire, et ben dans cet autre article paru dans Science et Avenir de ce mois-ci, on apprend qu'aux États-Unis, la vésicule biliaire est en passe de devenir un formidable outil de médecine esthétique. Alors vous allez me dire « Oui, mais quel rapport entre la vésicule biliaire et la médecine esthétique ?» Et ben ça part de deux constats. Le premier, c'est que chaque année en France, des milliers de personnes se font retirer la vésicule biliaire. Et de l'autre côté, deuxième constat, chaque année, un nombre croissant de femmes sont confrontées à des problèmes sanitaires liés à l'implantation des prothèses mammaires. Donc du coup, l'idée, ça a été tout simplement de récupérer... Pardon, je rigole mes propres blagues. Mais il y a avec vous, donc non, ça tombe bien. Pardon, on l'a raté, oui. De récupérer les vésicules biliaires retirées. C'est très gênant. Je suis bête. On la repassera au ralenti demain. Non, mais elle n'est pas encore passée. C'est pour ça que je rigole, du coup, la comprenez pas. Donc, de récupérer les vésicules biliaires et de faire des boulettes, en fait, qui pourraient remplacer les prothèses mammaires. Je pense qu'on est, perdu, on est noyé là. Je suis désolée. Reprenez-vous. Non, pardon, de récupérer les vésicules biliaires pour faire des biliaires, enfin des boulettes. Des boulettes de chair. Susceptibles de remplacer. Les prothèses. Non, pas du tout, pardon. On va pas remplacer les seins par des monticules de vésicules. Non, je cherchais juste en fait à vous choquer, même si vous n'avez pas compris ma blague. Et à provoquer chez vous un mouvement de recul, voyez, pour faire sortir comme ça votre double menton par le mouvement de recul, voyez. Car c'est ce double menton disgracieux, en fait, que notre vésicule biliaire peut traiter. Puisque, comme nous le précise l'article, pardon, de Science et Avenir, la FDA américaine, la Food and Drug Administration, vient d'autoriser aux États-Unis le traitement du double menton par des injections de fat burner, c'est-à-dire de brûleurs de graisse extraits justement de la vésicule biliaire. En fait, dans notre corps, la vésicule biliaire produit normalement une substance qui s'appelle l'acide désoxycholique, et dans notre organisme, cet acide désoxycholique fabriqué par la vésicule biliaire, en fait, solubilise et dégrade les graisses, mais qui sont en libre circulation dans notre tube digestif. Alors vous allez me dire, oui, mais dans notre tube, dans notre double menton, c'est pas les accords de Schengen, c'est-à-dire que le gras n'est pas en libre circulation, il est enfermé dans des cellules. Donc comment l'acide désoxycholique peut-il en venir à bout? Et bien justement, si on mélange cet acide avec du sel d'ammonium, on obtient du désoxycholate qui lui est capable d'attaquer les cellules nommées, les cellules graisseuses, nommées les adipocytes dans notre double menton. Et c'est pas un adipo, deux adipos, trois adipos doudou qui vont être détruites, mais des dizaines de milliers d'adipocytes qui vont disparaître. Et dès lors qu'on va injecter dans le double menton cet acide désoxycholique, et ben cet acide désoxycholique injecté qui glisse désoxycholique injecté va détruire le bourrelet. Alors le problème, c'est que la British Journal Dermatology pointe trop d'effets secondaires, notamment l'engourdissement et surtout un comble, le gonflement. Alors c'est un peu un paradoxe fréquent, vous allez me dire, souvent quand on fait un régime pour devenir plus mince, faire un régime ça nous gonfle, mais voilà, en France malheureusement cette méthode n'a pas été autorisée, donc nous n'aurons pas de belles têtes d'américaines, mais seulement l'honneur de pouvoir dire au monde entier, en France, nous les femmes, sur notre poids, nous ne double mentons pas. Merci Nicole Ferroni. On va la publier sur la page Facebook demain pour la compréhension, parce qu'on a pourri, on a Maud Fontenoy se demande vraiment où elle est tombée, mais elle est dans Situé Coup de J'annule Tout sur France Inter. Elle publie les raisons d'y croire et on pense qu'elle va rester avec nous, enfin on espère, nous aussi on espère rester avec nous. Don't know if I can open up. I'm not a birthday present. I'm aggressive, aggressive. The past is over. And our passive seems so pathetic. Of Los Angeles, c'est Marilyn Manson sur France Inter. Nous sommes avec Maud Fontenoy et Maud, c'est le moment de prêter une oreille à Guillaume Meurice. Et si jamais il fait un pas de travers, oh, bim, vous lui tombez dessus, on vous donne l'autorisation. Ok, 40e rugissant, 50e hurlant dans la foulée. Hein. Attention. J'ai la pression, j'ai l'impression. Je commence en musique, c'est ça? On s'en fout? Très bien. Alors, on continue. Ne riez pas de vos blagues avant, parce que sinon... Non, c'est déjà fait. Je n'annonce rien. Non, on continue les suites de mon week-end à Cannes avec un deuxième aspect du festival, les stars, les vedettes. Et oui, revenir du festival de Cannes sans interview de stars, c'est comme revenir sans maladie sexuellement transmissible. Ce serait un échec complet. Alors, avant de vous parler de ma syphilis, je vais vous parler des vedettes. Et j'en ai croisé plein. Commençons avec une interview exclusive de Johnny Depp. Johnny Depp, bonjour. Ah bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Qu'est-ce qui vous plaît à Cannes, Johnny Depp? Déjà, il n'y a pas que les stars, il y a les belles voitures déjà. Hein. Donc, ah, vous aimez les voitures, Johnny Depp? Ouais, mais bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que vous aimez d'autre? Les jolies filles aussi, on voit des jolies filles, et ça c'est important. Est-ce que vous avez des nouvelles de Vanessa Paradis ou pas? Non, pas pour l'instant. Voilà, une interview exclusive de Johnny Depp. Enfin, Depp, je sais pas, mais Johnny, c'est sûr, c'était marqué sur son t-shirt. Et puis, il était devant le Martinez, là où logent toutes les stars, alors ça devait être lui. Du coup, j'en ai même profité pour me renseigner auprès des gens qui attendaient pour... Apercevoir une vedette. Vous en avez aperçu les années précédentes? Oui, oui. Qui est-ce que vous avez vu? Alors, on avait vu... Martine Villalonga, ça c'était le matin, mais en soirée, Dubos, ouais, comment c'est son prénom? Franck. Franck Dubos, voilà, certainement un Franck Dubos que discount, un peu comme Alex Vizorette. Et Martine Villalonga, c'est ça qu'il a dit. Martine Villalonga, idole de tout un peuple, un peuple de plus de 85 ans, bien sûr, mais un peuple quand même. Bon, comme j'avais une accréditation pour rentrer dans le Martinez, j'avais quelques potins et j'en ai profité pour renseigner mes camarades d'attente. Ah, il paraît qu'il y a Bernard Montiel. Ah, ben d'accord. Ça vous plaît ou pas? Moyen. Mais non, j'attendais mieux. Il paraît qu'il y a Guillaume Meurice. Pourquoi pas? Vous savez qui c'est? Mais il est mort. Ah bah voilà. On m'avait dit qu'on était vite enterré dans ce métier, mais je croyais pas aussitôt. En tout cas, c'est vrai que j'étais à deux doigts de mourir de déshydratation devant l'hôtel quand est arrivée enfin la première grande vedette, Kevin Martin Gadra. Vous connaissez? Non. Bah, Clara, faites pas semblant de pas connaître, j'ai vu son calendrier sur votre bureau. Il s'agit ni plus ni moins de Mister National. Et oui, le plus beau mec de France. Oh, alors c'est parti pour une interview punchy. Et sans concession. Le plus beau mec de France, c'est magnifique, c'est juste génial, c'est un titre qui est très plaisant et très honorable aussi. Je suis fier. Voilà, il est fier d'être beau, notre ami Kevin. Bon, en même temps, je vais pas me moquer, moi je saurais jamais ce que ça fait d'être beau. Non, oh, c'est sûr. Pas mal. Voilà, c'est sûr. J'attendais ça, voilà, c'est bien, faut se faire mousser, c'est ça aussi, Cannes. Mais bon, être fier d'être beau, c'est un peu comme être fier de s'appeler Kevin. Deuxième question, punchy. Et sans concession. Bon, est-ce que c'est dur de s'appeler Kevin au jour le jour? Pas du tout, mais je porte très bien mon prénom, j'adore, pourquoi? Ah, Kevin, Dylan, Brandon, bon. Alors, je m'appelle Kevin et mon petit frère s'appelle Dylan. Aïe, aïe, aïe. C'est souvent aïe, ça. Aïe, oui. Le drame des parents fans de Beverly Hills. Ça, c'est dur, on pense à vous, les Kimberley, les Jennifer, les Callaghan. Tenez bon, on vous oublie pas, on sait que vous nous écoutez, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis, il y a quand même un espoir, lâchez pas l'affaire. Kevin, il était au Festival de Cannes pour voir des films, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, je viens de monter les marches. Mais alors, vous n'êtes pas dans le cinéma, là? Non, on est revenu parce qu'on a un rendez-vous, donc je ne pouvais pas rester regarder le film. Ah, c'est du bluff, en fait, vous montez juste les marches, vous n'allez pas au cinéma. Non, là, pour cette fois-ci, oui, j'ai pas pu regarder le film, mais la prochaine fois, avec grand plaisir. Ben là, fous-toi bien de notre gueule, Kevin, t'es juste venu montrer la tienne, mais t'es pas le seul, c'est ça aussi, Cannes. Quant à moi, je sentais que je pouvais rencontrer une encore plus grosse vedette que Kevin, j'en avais le potentiel. Alors, je me suis dévoué pour vous, moi aussi, j'ai attendu des heures sous le soleil, et soudain... Je fus récompensé. Bernard Montiel, vous êtes une star? Non, je pense pas. Et heureusement pour moi. Déjà, de signer quelques autographes sous la chaleur, c'est pas le top. Et voilà, Bernard Montiel qui se plaint de signer des autographes sous la chaleur, c'est ça, Cannes. C'est ça le star system, le showbiz. Mais ce n'est pas une star, me dit-il. Qu'à cela ne tienne. Brad Pitt, bonjour. Hi. Nice to meet you. Ah yes, vous parlez pas du tout français, Brad Pitt? Never, yeah, just a little bit. I was in France, so bonjour, France entière. Et voilà, c'est faux, oui, c'est Bernard Montiel qui se prend pour Brad Pitt, mais en même temps, à Cannes, tout est faux, même ma syphilis, voilà, c'est faux, évidemment, vous croyez quoi? Mais non, moi, le soir, j'étais sage, je rentrais tranquillement dans mon hôtel, excusez-moi. Bon, allez, je vous laisse, je vais aller soigner ma blénorragie. Merci Guillaume Meurice, et on remercie à la technique Clément Vouillet et... Kevin Pelot. Il s'est disputé avec l'invité, avec le technicien. Exactement. Il reste plus grand monde, hein. Sujet 2. Ah bah oui, je vois sa tête, ça ne m'étonne pas. D'accord, très bien. Vous allez pouvoir rediscuter avec Maud Fontenoy qui publie Les raisons d'y croire chez Plomb parce qu'on va parler environnement en préparation du sommet pour le climat, bien sûr, à la fin de l'année à Paris. Et bien cette semaine, les entreprises se rassemblent autour du sujet, comme le patron de Veolia, par exemple. Écoutez-le. Mon CX-22 détruit en quelques instants toutes les fumées malsaines, poussière, brouillard, particules nocives, gaz d'échappement, bref, toute cette pollution que nous respirons dans les villes. Et ce, dans un rayon de 4 km. Faisons une démonstration. Et voilà. Le président demande où va toute cette fumée. Dissoute, désintégrée, il n'y en, en a pas, c'est fini. La zizanie, eh oui. Donc, bon, cela dit, le patron de Veolia est en interview dans le Figaro aujourd'hui, hein, si vous voulez avoir la version sérieuse et les propos véritables. Alors, le rapport des entreprises avec l'environnement est absolument capital et parfois ambigu. Et il y a une critique qui vous est souvent faite, Maud Fontenoy, c'est que votre fondation, la fondation Maud Fontenoy, eh bien, elle est soutenue par des mécènes qui sont des grandes entreprises. Alors, est-ce que cela... Moi, j'aurais jamais osé poser la question. Alors, ça me fait penser à l'émission Ushuaïa de Nicolas Hulot, qui était sponsorisée par Ron Boulenc. Alors, après tout, pourquoi pas? Ou pourquoi pas? Guillaume Meurice, Maud Fontenoy. Maud Fontenoy d'abord. Non, mais c'est évident qu'on a besoin de mécènes. Donc, vous dites des mécènes, des grandes entreprises. Bah oui, on va pas demander au grand public de nous aider en nous donnant des sous. Donc moi, évidemment, l'argent. Parce que je pense sincèrement. Déjà, moi, je demande pas de subventions publiques. Je pense que les subventions publiques sont là pour autre chose. Et je préférerais qu'ils mettent cet argent dans la recherche, notamment dans la recherche sur les énergies renouvelables et sur les énergies renouvelables marines, sur lesquelles on n'investit pas assez. Ensuite, moi, je ne souhaite jamais demander de l'argent au public parce que je pense que le public fait suffisamment de dons à des associations type le Secours Populaire, la Croix-Rouge. Ils parrainent des enfants, enfin voilà, ce que chacun peut faire au niveau individuel. Donc c'est certain qu'on va le demander aux entreprises parce qu'ils ont des budgets pour ça et c'est pas forcément les entreprises qui sont les plus néfastes dans l'environnement. Je pense que les entreprises nous proposent des produits, c'est à nous d'aller les convaincre pour qu'ils nous proposent des produits éco-conçus pour qu'ils économisent l'énergie, qu'ils économisent l'eau et qu'ils pensent à cette économie circulaire dont on parle tant, c'est-à-dire à penser quand on produit quelque chose, qu'est-ce que l'on a pris dans la nature et qu'est-ce que cet objet va devenir et combien de temps on va pouvoir l'utiliser? Et ensuite, comment est-ce qu'on va pouvoir le recycler pour que ça reproduise un nouvel objet? Et vous pensez vraiment que le patron d'HSBC, il se pose ces questions-là tous les jours? Je pense sincèrement qu'on peut critiquer tout le monde et c'est vrai qu'on a tendance à croire que ces grandes entreprises n'ont pas ces enjeux-là. Et bien sûr, quand on parle de la finance, aujourd'hui, on parle de la banque, on entend ces affaires. HSBC a été à une époque partenaire de la Fondation. Ils nous ont aidés, ils ont un grand programme de mécénat sur l'éducation et nous, ça nous a soutenus. La vérité, c'est que l'argent que l'on a obtenu de certaines entreprises a permis de diffuser nos programmes éducatifs dans 55 000 écoles en apportant de la connaissance aux professeurs, en lien direct avec les programmes obligatoires, des programmes qui sont facultatifs et qui permettent d'apporter de la connaissance, tout ça validé par l'éducation nationale, par des professeurs et par l'UNESCO ou le CNRS en fonction des programmes. Donc c'est de l'argent qui sert. Quand vous dites mécènes, parce que c'est un peu ça l'image qu'on a, on se dit tiens peut-être ces grandes entreprises vous achètent ou s'achètent en tout cas une bonne image. Est-ce que vraiment ils n'ont aucun regard sur le travail que vous faites derrière avec leur argent? Ah oui, bah aucun. Non, aucun regard. Non, ils ont une partie de leur argent qu'ils reversent. Ils vont le verser pour aider certains dans la musique, d'autres dans les arts, d'autres pour l'environnement. Ils sont au sujet. Moi, je pense que notre rôle. C'est-à-dire qu'ils détruisent avec leur action d'entreprise, ils recréent une bonne image et une bonne conscience avec des fondations comme la vôtre. C'est quand même un problème. Il s'agit d'être malin. C'est-à-dire que si quelqu'un a de l'argent, même s'il est a priori au service d'une instance pas très bien intentionnée, il faut être malin, prendre cet argent et justement bien l'utiliser. Autant qu'il paye aussi, non? Non mais n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui fabriquerait des missiles, par exemple. Non mais là c'est pas si le cas. Si elle veut être mécène, c'est pas, oui, c'est pas le cas. Il y a quand même Bolloré, il y a quand même des. Il y a quand même Bolloré parce que défendez Bolloré alors. HSBC. Mais je vois pas le problème avec Bolloré. D'autre part, Bolloré c'est Havas et c'est parce que c'est EuroRSCG, c'est parce que EuroRSCG nous a réalisé cette année une campagne d'affichage sur la sauvegarde des océans gratuitement. Alors au lieu de nous faire payer une campagne hors de prix, ils nous ont gratuitement fait travailler leur graphiste pour faire une campagne d'affichage qui va être diffusée par JC Deco gratuitement de nouveau sur les plages de France. Vous voyez, c'est un partenariat. Et dans le même temps, Havas font d'autres campagnes de publicité pour plein de produits qui polluent les océans, mais, etc. Mais, en même temps, c'est Coluche qui disait, il suffirait pour que ça ne se vende pas, que les gens ne l'achètent pas. C'est à nous de faire le choix chaque jour dans notre rayon de supermarché, de prendre un produit éco-conçu, de prendre un produit sur-emballé, de prendre un produit de saison, de prendre un produit qui vient plus ou moins de loin. On a quand même le choix. Il ne faut pas condamner a priori les entreprises. On a besoin, oui. C'est toujours rigolo de condamner à tour de bras total et puis de rouler en voiture pour venir au boulot. C'est de la jalousie, hein. Si Dassault subventionne Guillaume Meurice, il va aller prendre. Et tout ça, au Monde Fontenay, on parle des entreprises, mais rappelons aussi les gestes individuels que chacun peut poser. Et pour les enfants, eh bien, il y a par exemple à la découverte de la planète bleue, Monde Fontenay, c'est chez Premier Castor Doc. Oui, c'est chez Flammarion, aussi, oui. Exactement. Oui, voilà, Flammarion aussi, les océans, un trésor à protéger. Et là, il y a la sensibilisation pour les enfants pour mener chacun des gestes à titre individuel. Clara Dupont-Monod. Charline Van Hoenecker. Allez-y, partez en solitaire sur cette antenne. Et oui, parce que l'actualité, Charline, c'est aussi la grève des professeurs à propos de la réforme de Najat Vallaud-Belkacem. Alors, outre la suppression des classes bilingues, on l'a beaucoup entendu, du grec et du latin, il se trouve que leur colère cible aussi la refonte des programmes d'histoire, puisque désormais la chrétienté, l'humanisme ou la démocratie à Athènes seront optionnels. Et en ces temps de crise identitaire, l'enseignement inamovible de ces thèmes aurait peut-être été judicieux. Mais enfin, bon, là, je me prononce et ça n'est pas mon rôle. En tout cas, voilà nos profs. Personne ne l'a entendu. Voilà nos profs prêts à désobéir aux consignes du mammouth. Ils disent non et justement, le courant passe puisque je leur offrirai volontiers un livre spécial rébellion, un livre très audacieux et qui met très mal à l'aise, qui s'appelle La désobéissance de Alberto Moravia. Alberto Moravia, c'est un immense auteur italien. C'est lui qui a écrit Le mépris en 1954, adapté au cinéma donc par Luc Besson. Parce que voilà, Godard, personne n'a rien Godard. Dit. Voilà. Bravo, et d'ailleurs, il a dit hier dans une belle émission sur Arte, il a dit que c'était une des plus belles adaptations d'un de ses romans. Ah ben voilà. Non, il est mort. Non mais il y avait une émission sur les adaptations hier après Mort à Venise. Voilà. Non, parce que ouais, excusez-moi d'être cultivé. Je vous en prie. Mais c'est une très bonne surprise. Ah, oui. Alors, celui-là, La désobéissance, est extrêmement, donc je disais, dérangeant. Parce que le personnage principal, c'est un étudiant qui s'appelle Lucas et qui décide de rentrer en résistance. Alors contre quoi? Pas contre l'injustice, pas contre les idéologues de l'éducation nationale, au hasard, non. C'est plus subtil et plus pervers. En fait, il entre en résistance contre le cours normal des choses. C'est-à-dire qu'il refuse tous ces milliers de petits fils qui nous retiennent à la vie. Faire des études, aimer ses parents, faire des projets, amasser de l'argent, s'attacher aux objets. Et là, je cite Moravia, « Comme si elle avait compris l'inanité de la violence, sa colère se mua brusquement en une volonté de renoncement et d'abdication. » Donc en fait, ce qu'il décrit, c'est le principe de la grève. Mais pas appliqué à l'échelle de la société ou de l'entreprise, appliqué à l'échelle microscopique, intime, d'une vie humaine. Et ça, c'est un parti pris qui est vraiment très très fort. Alors par exemple, le cas, il est en classe, les élèves sont debout, le professeur rentre, il dit « asseyez-vous », tout le monde s'assied, sauf Lucas, il reste debout. Donc le professeur interloqué lui demande « mais qu'y a-t-il ?» Et Lucas répond « rien ». Et c'est la vérité, il n'y a rien de particulier. Et donc résultat, il se fait virer. Pareil, le soir à table, il est avec ses parents, et là aussi, il y a son assiette, bloc d'inertie. Je cite Moravia, « ne pas manger ». Il comprit brusquement que cette forme de désobéissance était entre toutes la plus grave et la plus radicale, celle qui entamait le plus l'autorité familiale. Donc vous voyez, il coupe les fils les uns après les autres. Il part pas en vacances, il vend ses livres préférés, il n'est pas déçu, il n'est pas exalté. En fait, il fait l'expérience de l'indifférence absolue. Et ça, ça me rappelle un livre, mais merveilleux, qui m'accompagne depuis toujours, qui s'appelle « Un homme qui dort » de Georges Perec. On connaît Georges Perec un peu pour son côté un peu déconneur, un peu foutraque avec la langue française. Mais il a écrit ce livre qui s'appelle « Un homme qui dort ». C'est un des très rares livres dans notre littérature écrit à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire que Perec parle à son personnage, il dit « tu ». Et donc, il dit « tu as 25 ans et 29 dents, 3 chemises et 8 chaussettes, quelques livres que tu ne lis plus, quelques disques que tu n'écoutes plus. Tu n'as pas envie de te souvenir de ta famille, ni de tes études, ni de tes amours, ni de tes amis. » Tu es assis et tu ne veux qu'attendre, attendre seulement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à attendre. Donc ce sont des gens qui se délestent. Ce sont des gens sans mémoire et sans projet. Et c'est sans doute pas un hasard si ces deux livres ont été écrits juste après, enfin après la guerre en tout cas. Il y avait eu la Seconde Guerre mondiale, ce moment où l'Europe a fait en quelque sorte grève d'humanité finalement. Mais même à notre petite échelle, même sans en oubliant l'histoire, à notre petite échelle, c'est fascinant parce qu'il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de penser ça. Et si je lâchais tout? Et si j'arrêtais de bouger, si j'obéissais plus quand on me dit il faut gagner sa vie, nouer des liens, se cultiver, avoir des combats, si je venais pas quand on me dit à tout à l'heure ou à ce soir, pourquoi pas? Alors après, il y a la question du résultat. Est-ce que ça marche? Cette position d'indifférence que j'ai, ça aboutit à quoi? Vous le saurez en lisant La désobéissance d'Alberto Moravia, réédité chez De Noël. Merci Clara Dupont-Monod. Est-ce que c'est par ces mécanismes-là aussi qu'on décide de naviguer à contre-courant, Maud Fontenay? de partir en mer, c'est surtout pour prendre du recul. Mais il y a un côté où vous vous délestez de tout. Mais complètement. C'est-à-dire, la société vous impose un cadre. Vous avez le sentiment parfois d'être presque dans un milieu de clonage où on vous demande tous la même chose. Et vous avez le sentiment, en partant sur un bateau à rames, de vous délester de tout, de vous sentir riche, d'être dépossédé et de vous éloigner sur une simplification à l'extrême de quelque chose, un tout petit bateau à rames, un petit humanoïde, quasiment rien à bord avec vous et cet immense océan à traverser qui paraît 10 fois, 100 fois plus grand que vous et un rêve finalement qui vous dépasse. Et c'est ça qui moi m'a fait réfléchir sur la vie, sur la capacité de l'homme finalement à réaliser des projets plus grands que lui et à se sentir riche justement de ce dépouillement. Et justement, il y a des gens qui jouent à ça. Parce que le troisième sujet, c'est à la télévision ce soir. Mais il y a des gens qui jouent à ça. Des aventuriers seuls sur une île au milieu du Pacifique avec le ventre qui gargouille et deux bouts de bois pour faire du feu. Alors, je ne sais pas vous, mais nous, on préfère encore regarder les poissons du club aquariophile de Radio France, hein, qui n'est pas aux enchères, celui-là. Vous savez que certains nous insultent et nous traînent dans la boue parce que nous produisons des émissions de ce genre. Faites-leur savoir que c'est vous qui exigez des spectacles comme le Prix du Danger. La CTV est à votre service, nous vous donnons les spectacles que vous voulez. Je sais que vous aimez les beaux spectacles, je sais que vous voulez encore plus de sang, plus de violence et plus de carnage. Eh bien, nous vous en donnerons. Marie-France Pizier dans Le Prix du Danger d'Yves Boisset. Donc c'est un programme qui a lieu ce soir sur M6 et qui s'appelle, j'ai même pas retenu le nom. Qui s'appelle The Island, voilà. Seul au monde. Ah, exactement. Adaptation d'un programme qui a déjà existé aux États-Unis. Et donc, c'est 13 hommes de 24 à 71 ans qui doivent survivre avec très très peu de choses, notamment 30 litres d'eau, 13 sifflets. Alors, allez savoir pourquoi. Je suppose que c'est s'ils partent chasser avec eux. Ils doivent survivre pendant un mois. Quel regard vous avez là-dessus? Parce qu'il n'y a rien à gagner. C'est vraiment Et c'est vraiment le plaisir de se surpasser. J'imagine que ça doit faire un tout petit peu écho, même si la télé-réalité peut-être moins. J'ai cru comprendre qu'ils avaient le droit à emporter des chaussures, des chaussettes. Oui. Oui, c'est... Et deux photos de leurs proches. C'est du délestage aussi. Non, à première vue, à vous entendre, j'ai le sentiment. Pourquoi que des hommes? Ah, ouais. Alors ça, c'est la question qu'on s'est posée. Je sais pas, ça c'est tout. Voilà. 71 ans, c'est un peu dur quand même, non? Ce qui vaut mieux une femme de 25. C'était ça votre analyse? Non, mais ce qui est fou quand on regarde ça, c'est qu'on se dit, vous avez vu, il y a un plaisir à se dire qu'on va se retrouver au cœur de la nature, dans une vie un petit peu animale. Est-ce qu'on va pas tous un petit peu dans certains moments de notre vie? Et est-ce que moi, finalement, quand je pars 5 mois seule en mer, repars en mer, repars sur un tour du monde dans les 40e rugissant, au milieu des icebergs et tout, à me taper le vent contre courant, est-ce qu'il n'y a pas ce plaisir finalement de se retrouver cet aspect un petit peu animal, de vivre au cœur de la nature, de ressentir ses émotions? Sauf que vous courez un vrai danger quand même, vous, de Fontenoy. Et là, vous les le gars, sans caméra, ils sont entourés de caméras. Ben oui, ils vont pas prendre le risque d'avoir de perdre quelqu'un. Enfin, c'est, oui, mais complètement c'est quand même rigolo de se dire que chacun d'entre nous, et finalement, c'est ce qu'on fait quand on a ce besoin d'aller au cœur de la nature, en vacances, au bord de la mer, en forêt, marcher. On a ce besoin de remettre les pieds dans l'herbe, ce besoin de rentrer les doigts dans le sable. On a ce besoin de ressentir les odeurs et de dénuement jusqu'à l'extrême là, pour le coup. Oui, alors c'est vrai, que c'est cette attirance là pour voir jusqu'où finalement le corps peut aller. Mais bon, là, c'est une télévision, on fait de l'audimat, tout ça, mais moi, ça me rappelle juste le fait qu'on a tous cette partie un peu animale qui nous fait aimer finalement ce contact avec la nature. Parce qu'au début, je pense que ce qui les fait probablement rêver, c'est peut-être se retrouver sur une île paradisiaque de Polynésie ou je ne sais pas où dans le Pacifique. Oui. Et qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va vivre un truc sympa. En même temps, il n'y a pas de danger. Ils sont au courant quand même que c'est quand même. C'est surtout contre soi qu'on se bat. Mais il n'y a pas vraiment de risque. Hein. À tout moment, tu t'appuies sur la valise Arcos, tu rentres. Enfin, je veux dire, voilà, tu n'es pas du tout en mise en danger. Tu vis un truc un peu sympa avec des gens. Vous aussi, bon. Vous étiez suivi tout de même, rassurez-moi. Alors, moi, il n'y a pas de bateau qui me suit, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a personne, tu pars un jour et puis avec un petit peu de chance tu repars, tu retrouves du monde de l'autre côté, donc c'est un peu différent. On sait très bien qu'on vous filme au départ, après vous prenez un avion et puis on vous filme à l'arrêt. Et puis vous-même vous étiez dans la soute devant. Exactement. C'est une grande histoire qui commence, une grande amitié entre Maud Fontenoy et Guillaume Meurice, hein, je vous préviens. Allez, deuxième revue de presse ensemble. Ihre Rolle. Qu'est-ce qu'il dit? Is es nun Rupir dem Europäischen Jaja. News au kilo. Et la radio, c'est le son, Alex Vizorek. Et oui, vous aimez les quiz. J'en ai un second. Mon Dieu, c'est pas vrai. Écoutez ce son et après, il faut deviner lors Super. De quel événement Youpi. On a pu l'entendre. Staline. Non, tout un stade qui supporte Vladimir Poutine. On a pu l'entendre 8 fois lors de la même soirée. C'est le speaker du match de hockey sur glace de Gala à Sochi, gagné étonnamment 16-8 par l'équipe dans laquelle jouait Vladimir Poutine. C'est étonnant. Passons à une étude canadienne qui prouve que les jeunes seraient moins concentrés que des poissons rouges. Effectivement, suite aux iPhones, aux ordinateurs, aux tablettes, les jeunes d'aujourd'hui accordent en moyenne 8 secondes à chaque nouvelle information pour juger de sa pertinence contre 12 en l'an 2000. Et donc, à titre de comparaison, un poisson rouge peut lui rester concentré 9 secondes sur une information. Ouais, et donc, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion là ? Eh ben, que quand on comparait Nabila à un poisson rouge, en fait, c'était vraiment vexant pour le poisson rouge. Et on termine par quelque chose qui me fait extrêmement peur à chaque fois, une info dont vous avez le secret, Alex. Jordanie, un gynécologue accusé d'avoir oublié son téléphone dans le ventre de sa patiente. Bien sûr. Mais oui, si, c'est pendant l'accouchement. Donc, ils ont sorti le bébé et le type a oublié son téléphone. Et la mère s'en est rendue compte quand il s'est mis à vibrer. Et je pense qu'en contractant le périnée, elle aurait même pu prendre l'appel. Voilà. Merci Alex Vizorek. Oui, l'élégance printanière d'Alex Vizorek. Le monde photonon est comme ça bien informé, n'est-ce pas? Merci, merci. Bien fait de venir. J'imagine qu'après une traversée, quand on reprend contact avec ce genre d'informations, on a juste envie de repartir dans l'autre sens. Écoute, ce qui est très rigolo, c'est que quand on est en mer de temps en temps avec le téléphone satellite, on a des médias qui vous appellent et vous savez comment ça se passe un peu sur d'autres antennes que la vôtre. On a beaucoup de publicité. Et du coup, on est là en train d'attendre, ils vous mettent en stand-by et là, t'entends des pubs absolument. Toi, t'es juste dans les 40e enregistrement avec le bateau qui se retourne et t'entends la pub pour des trucs. Et ça, c'est Havas, ouais. Ça. Mais oui. Les pubs sont pas toujours intelligentes. Mais à nous de pas y succomber. Mm-hmm. Mais oui, on a le choix. Ne culpabilisez pas les gens, Maud Fontenoy. On a le choix, justement, Maud Fontenoy, qui préfère l'innovation au principe de précaution. Tout cela est expliqué dans son livre. Lisez-le de A à Z, comme Guillaume Meurice. Mais comprenez-le, ce qui n'est pas le cas de Guillaume Meurice, vraisemblablement. Maud Fontenoy, Les raisons d'y croire, c'est paru chez Plon. Et tiens, je cite aussi Les océans, un trésor à protéger, ou à la découverte de la planète bleue, c'est paru chez Flammarion. Merci beaucoup, Monde Photonois. Le mot de la fin à tous ceux qui doutent que le sommet climat aboutisse à un accord universel. Ça me paraît très jouable. Très. Je dirais même fingers in the nose.